Alléluia. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous transmets les salutations de frères fidèles de Luambo. Et le frère Maurice de la Sodimico au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever pendant que nous lisons la parole. Acte chapitre 7, 51. Matendo saba makumi tano na moya mustari. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma mujina Yesu Kristo. Homme au courage. Bantu ba mashingo ya nguvu. Un circoncis de cœur et d'oreille. Bashipo kutahiriwa roho na mashikio. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Munakombanisha kila mara Roho Mtakatifu. Ce que vos pères ont été. Kile kilikuwa baba yenu. Vous l'êtes aussi. Nanjo kile mwiko. Seigneur Jésus-Christ, une fois de plus, nous te disons merci. Bwana Yesu Kristo mara nyingine tena tunasema asante. Merci pour cet après-midi que tu as rendu possible en notre faveur. Asante Dieu ya magharibi iliwezekana kwetu. Merci pour notre présence en ce lieu, Seigneur. Asante Dieu ya uwepo wetu paifashi Bwana. Nous te prions de descendre au milieu de nous. Tuko na kulomba ushuke katikati yetu. De nous parler, usungumuze nasi, de nous instruire, utufundishe, de nous accorder, Seigneur, la sainteté, na kutukaburia utakatifu, de nous accorder le baptême du Saint-Esprit, na kutukaburia ubatizo wa Roho Mtakatifu, de nous placer dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ, kutuweka mumwili wa Yesu Kristo. Bénis cette réunion, Seigneur. Bariki mkusaniko Bwana. Où est l'orateur? Pakala mubiri. Où est l'interprète? Pakala wakutafsiri. Où est tout l'auditoire? Pakala kamukamuji. Que ta sainte présence soit manifestée au milieu de nous. Uwepo yako takatifu ionekane katikati yetu. Sois avec nous depuis jusqu'à la fin. Pamoja nasi kumwanzo na kumwisho. Bénis ta parole que nous venons de lire. Bariki neno tunatoka kusoma. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Yesu Kristo, amen. Pour vous asseoir. Neza kuikala. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana apate kumibariki. Ah ouais. Je suis un peu fatigué à cause du froid. Na choka kiloko juu ya baridi. Il fait trop froid ici. Kuko baridi sana huku. Chez nous à 16h ici. Kwetu umui wakati. Il fait chaud. Kwa kivukuto. Mais chez vous, même quand il y a le soleil, il fait toujours froid. C'est compliqué. La circoncision du cœur et d'oreille. Nous avons parlé hier de la circoncision. Nous avons montré l'origine de la circoncision. Nous avons vu que Abraham a reçu le signe de la circoncision comme étant une alliance entre Dieu et Abraham et sa postérité après lui. Et nous trouvons que c'est l'obéissance, la foi et l'obéissance qui a amené Dieu de venir confirmer la foi qu'il y avait dans Abraham. Tunaona kusema ni imani na kutii ile Mungu alikuwa kuhakikisha imani ilikuwa ndani ya Ibrahim. Abraham avait la foi. Ibrahim alikuwa na imani. Et la foi demandait l'obéissance. Na imani ilianza kulomba kutii. Il a marché avec cela. Alitembea na ile. Et quand Dieu a vu l'obéissance à Abraham, na wakati Mungu aliona kutii ndani ya Ibrahim, ce qui a fait que Dieu puisse agréer la foi d'Abraham en lui accordant le signe du Saint-Esprit et pardon le signe de la circoncision. Dieu le fanya Mungu akubali imani ya Ibrahim amkabulie alama ya kutahiriwa. Amen. Et nous avons lu frère Branham l'avant-hier. Na tulisoma ndugu Branham juzi. Qui nous dit? On a tuambia. Non, c'était hier qu'on avait lu ça. Ilikuwa ni jana tulisoma. Que Abraham sema Ibrahim avait obéi à la parole de Dieu à la lettre. Ariti kuneno ya Mungu paka vile Mungu alimwambia. C'est dans Jéhovah Jireh, troisième partie. Ni mu mafundisho Jéhovah Jireh paragraphe 66. Paragraphe 66. Eh bien. À propos d'Abraham. Par mambo ya Ibrahim. Il y a une chose que je désire vous faire remarquer. Kwa kitu kimoja niko napenda kumionyesha. Il a obéi à la parole de Dieu à la lettre. Alitii kuneno ya Mungu paka vile Mungu alimuonesha. Abraham n'a pas obéi à la voix de Dieu en partie. Ibrahim asikutii neno ya Mungu kukipande. Mais Abraham a obéi à la lettre. Lakini Ibrahim alitii paka vile Mungu alimuonesha. C'est ce qui doit faire tout croyant aujourd'hui. Ndio kile kinapaswa kufanya mwaminifu wote leo. Alléluia. Tout croyant aujourd'hui, mwaminifu wote leo, doit aussi faire la même chose. Napaswa kufanya paka vile. Kwa sababu Abraham dit, ndugu Abraham anasema, que de la même manière que Dieu avait appelé Abraham, namna moyo Mungu aliita Ibrahimu, il a ramassé Abraham à Babylone, alimlokota Ibrahimu ku Babylone, il adorait des idoles, baraanza kuabudu masanamu. Et il a fait d'Abraham le père de la foi. Na alimfanya Ibrahim anakuwa baba wa imani. Frère Branham dit que l'appel d'Abraham, c'était le commencement du christianisme. Amen. Dieu a ramassé Abraham dans le péché. Dans l'idolâtrie. Il a fait d'Abraham le père de la foi. C'est ce que Dieu est en train de faire avec nous. Il nous a ramassé dans le monde. Et il veut faire de nous ses partenaires. Il veut faire de nous des bien-aimés de Dieu. Amen. Dans Romains chapitre 4. Mwaroma sura ya ine. Romains chapitre 4. Mwaroma sura ya ine. À partir du verset 19, il dit ceci. Mustara kumi na kenda nasema hivi. Écoutez. Et sans faiblir dans la foi, na bila kulekea ndani ya imani, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Ashikuangalia kusema mwili yake ilikuwa isha kuchoka. Puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il lui fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il nous peut aussi l'accomplir. Abraham a marché avec la foi. Ibrahim a retenu la imani. Il avait une conviction, pleine conviction. Que c'est Dieu qui m'a donné, qui m'a promis une postérité. Il me donnera cette postérité-là. Alors Abraham s'est mis à obéir à Dieu. Lui qui était déjà vieux. Mais il n'a point douté à la promesse de Dieu. Alléluia. Nous aussi, nous ne douterons pas aux promesses de Dieu. Mais cela doit toujours nous fortifier. Sachant que c'est lui qui nous a fait la promesse, il ne faillit jamais. Et ce qu'il a promis, il accomplira cela. Alléluia. Nous devons toujours nous fortifier par les promesses que Dieu nous a faites. Les promesses bibliques que Dieu nous a faites. Dieu restera toujours derrière sa parole. Il ne laissera jamais sa parole faillible. Dieu est infaillible. Et sa parole est infaillible. Dieu restera toujours derrière sa parole. Jusqu'à ce que sa parole s'accomplira. Alléluia. S'il nous a promis qu'un jour il reviendra, il viendra nous prendre et nous serons là où il est. Dieu ne mentira jamais. Sa promesse s'accomplira toujours. Alléluia. Oui, bien-aimé. Abraham, il a marché avec la promesse. Et il s'est rendu toujours fort. Peu importe ce qu'est amené les temps et les circonstances. Abraham était toujours fort. Parce que c'est lui qui lui a fait la promesse. Il ne faillit jamais. Alléluia. Amen. Le Dieu d'Abraham. Mungu wa Ibrahimu. C'est notre Dieu ce soir. Mungu wetu mangaribi ya leo. Alléluia. Notre Dieu Mungu wetu est infaillible. Mshindo wake. Oh, que notre Dieu soit loué. Mungu wetu asifiwe. C'est pourquoi Ndio kwa maana. Cela lui fut imputé à justice. Il mwesabiwa wa haki. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Lakini kwa jua yake kusema alihesabiwa haki. C'est encore à cause de nous. Nani juu yetu tena? À qui cela sera imputé? Parce que ambao tutaweza kuhesabiwa. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Vous savez, Abraham a été justifié par Dieu, non pas qu'au moment que Dieu lui a donné le signe de la circoncision, Abraham a été justifié par Dieu du fait qu'il a accepté la promesse. Alléluia. Oui, mes bien-aimés. Nous aussi, nous sommes justifiés quand nous acceptons l'œuvre du calvaire. Quand nous acceptons l'œuvre du calvaire, Dieu nous justifie. Il nous justifie gratuitement. Il nous pardonne gratuitement. Alléluia. Oui, bien-aimés, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, tous nos péchés nous sont pardonnés. Nous qui étions coupables, mais quand nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, Jésus nous a rendus libres. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Si vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes justifiés. Vous êtes justifiés avec Abraham. Qui était justifié par la foi. Alléluia. C'est pourquoi quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, ne vous sentez plus être condamné. Quand vous acceptez Christ dans votre vie, vous êtes sauvé. Et aucun homme ne peut plus vous condamner. Vous êtes rendu juste. Papa me dit, Jésus-Christ, en vivant, Mukuishi, il m'a aimé. Alipenda. En mourant, Mukufa, il m'a sauvé. Aliokola. Enseveli, Mukuzikwa, il a porté mes péchés au loin. Akapeleka nzambi yangu mbali. En ressuscitant, Mukufufuka, il m'a justifié. À jamais pour être libre. L'autre, tu ne pas te couper à Ouru. Et en allant au ciel, na, kwa kwenda, il m'a fait la promesse. Anifancha malako. Un jour, Chikumoya, il reviendra. Atarudiaka. Il me prendra. Atanibebaka. Pour m'amener là où il est allé nous préparer une place. Que notre Dieu soit loué. Oui, bien-aimé. Nous avons de l'intérêt d'accepter le Seigneur Jésus-Christ de tout cœur. De tout cœur. Non pas en partie. Mais de tout cœur. Il est le seul qui ne ment point. Le seul qui ne tombe pas. Le seul qui ne change pas d'avis. Alléluia. Ce qu'il promet, c'est ce qu'il fait. Oh, que notre Dieu soit loué. Mungu wetu asifiwe. Oh, et bien-aimé. Mapendwa. Fortifions-nous. Tukankamane. Par ses promesses. Malako yake. Ses paroles de promesse. Masauti yake ya malako. Qu'un jour. Sema siku moya. Jésus reviendra. Yesu atarudiaka. Et vous savez. Na mnajua. Quand Jésus reviendra. Wakati Yesu atarudia. Nous ne serons pas en songe. Hatutakuwa mundoto. Ça ne sera pas une vision. Haitakuwa ono. Ça ne sera pas d'une manière spirituelle. Haitakuwa namna ya kiroho. Mais nous le verrons tel qu'il est. Lakini utamwona vile eko. Tel que Jésus est monté au ciel. Yesu tel que nous le verrons. Namna nos yeux le verront. tunamuonaka. Nous verrons le Seigneur Jésus-Christ. Macho yetu tunaka Bwana Yesu Kristo. Avec tout son corps. Na mwili yake yote. Oh, que notre Dieu soit loué. Mungu wetu asifiwe. Soyons fortifiés par ces paroles. Tu kangamane na ineno. Paroles de promesse. Masauti ya malako. Abraham. Ibrahimu. Quand il pensait à la promesse. Wakati alikuwa anawaza kumalako. La promesse qui était en lui. Malako ilikuwa ndani yake. Le rendait toujours fort. Ilikuwa anamfanya kila mara na nguvu. Peu importe les circonstances de la vie. Matukio ya maisha. Peu importe ce que voulait faire la marche. Ijapokuwa kile msafari mliweza kufanya. Abraham n'a pas regardé à sa vieillesse. Ibrahim asikuangalia kubuzee wake. Il n'a pas regardé à ses faiblesses. Asikuangalia kubuzaifu wake. Il était toujours fort. Alikuwa kila mara wa nguvu. Alléluia. Oui, mes bien-aimés. Dieu va pendre. Écoutez. Sikiliza. Dans Galates chapitre 3. Wa Galatia sura ya 3. Galates chapitre 3. Wa Galatia sura ya 3. Le verset 16. Mustari wa 16. Écoutez ce que la Bible dit. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ, la vraie postérité d'Abraham, ce n'était pas Isaac, ce n'était pas qui que ce soit, ce n'était pas Jacob, mais la vraie postérité que Dieu avait promis à Abraham, c'était Christ. Parce que c'est au travers de Christ qu'Abraham doit devenir le père de plusieurs nations. Alléluia. Oui, bien-aimé. Abraham est devenu le père de plusieurs nations au travers de Christ. Au travers de tous ceux qui croient en Christ, tous ceux qui croient en Christ deviennent la postérité d'Abraham. Alléluia. C'est ce qui est écrit ici, au verset 7, dans le même chapitre. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ, ce sont ceux-là qui ont la foi d'Abraham, qui sont la postérité d'Abraham. Alléluia. Oui, bien-aimé. Car nous croyons en Jésus-Christ. Nous devenons la postérité d'Abraham. Alléluia. Et vous savez, Abraham était un homme obéissant. Comme nous l'avons dit au début, il était un homme obéissant. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, lui, la vraie postérité d'Abraham, il était aussi obéissant. C'est l'obéissance. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il était obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. Il était toujours obéissant. Obéissant. Croyez que ceux qui sont en Jésus, ceux qui croient en Jésus-Christ, qui sont devenus la postérité d'Abraham, mais ils doivent être caractérisés par la foi et par l'obéissance. Les mêmes choses qui étaient en Abraham, c'est les mêmes choses qui étaient en Christ, les mêmes choses qui étaient en Christ, c'est la même chose qui doit être à la postérité qui croit en Jésus-Christ. Alléluia. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ, écoutez un peu ce que la Bible dit ici. Écoutez ici le verset 27. Écoutez, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Alors, si vous avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ dans votre vie. Alors au verset 28, il dit, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a plus d'esclave, il n'y a plus ni esclave, il n'y a plus ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. wala mwanamke wala mwanaume. Car tous bote, vous êtes un en Jésus-Christ. Moja ndani ya Yesu Kristo. Alléluia. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous devenons la postérité d'Abraham. Et entre nous, il n'y a plus un étranger, il n'y a plus un libre, il n'y a plus un esclave, il n'y a ni femme, il n'y a ni homme, tous nous sommes un en Christ. Alléluia. C'est pourquoi en Christ, il n'y a pas de Congolais. En Christ, il n'y a pas de Zambiens. En Christ, il n'y a pas de Allemands. En Christ, il n'y a pas de Belges. En Christ, il n'y a pas de Gabonais. En Christ, tous nous sommes bien-aimés. Alléluia. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Tout ce qui était en Christ doit être en nous qui croyons à lui. Mais si nous avons autre chose que ce qui était à Christ, ça veut dire que nous avons accepté un autre Christ. Mais si nous avons Christ, nous avons accepté le Seigneur Jésus Christ, la vraie postérité d'Abraham, si c'est lui que nous avons accepté, l'obéissance qui était à Christ doit être la même obéissance avec nous. Alléluia. Oui, bien-aimé. Et vous savez, en Christ, même la circoncision de la chair n'a plus d'importance. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 19 dit ceci. Écoutez, bien-aimés. À partir du verset 18. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis? Qu'il ne s'efface pas circoncis. Alléluia. La circoncision de la chair qu'on parle ici, ce qui était le signe qui distinguait les enfants d'Israël et le reste du monde. C'est de ça qu'il s'agit ici. Aujourd'hui, si vous avez accepté Christ, même si vous n'êtes pas circoncis dans la chair, ce n'est même pas un problème. Si vous avez accepté Christ comme étant circoncis dans la chair, demeurez comme ça. Si vous avez accepté Christ comme étant incirconcis de la chair, ce n'est même pas un problème. Alors, le verset 19. La circoncision n'est rien. La circoncision de la chair, ce n'est rien. Pourquoi? Les Juifs qui étaient circoncis dans la chair, mais ils ne suivaient pas les commandements de Dieu. Alors, si c'était de cela que Dieu avait besoin pour tous les temps, il n'y aurait personne qui serait sauvé. C'est pourquoi la circoncision de la chair n'est rien. Et la circoncision aussi n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Ce qui est de l'importance aujourd'hui, c'est d'observer les commandements de Dieu. Nikushika maamri ya Mungu. C'est ce qui est important aujourd'hui. Ndio kenye kwa kabaila leo. Obéir aux commandements de Dieu. Kutii ku maamri ya Mungu. C'est ce que Dieu a besoin. Ndio kile Mungu anahitaji. Obéir aux commandements de Dieu. Kutii ku maamri ya Mungu. Quand quelqu'un obéit aux commandements de Dieu. Wakati Mungu mtu anatii ku maamri ya Mungu. Dieu prend plaisir à l'obéissance. Mungu anekalaka mkufurahia kutii. C'est à l'obéissance que Dieu prend plaisir. Nimukutii kule Mungu anekalaka. Que si vous voulez plaire à Dieu, obéissez à la parole de Dieu. Si vous voulez que vous soyez agréable à Dieu, obéissez seulement à la parole de Dieu. Vous serez agréable à Dieu et vous ferez la joie de Dieu. Oui, bien aimé, la circoncision de la chair, nous avons déjà dit ça, que c'était un signe. C'était un type du baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'était le type de la circoncision du cœur. La circoncision de la chair. C'est pourquoi aujourd'hui, cela n'est plus important. La circoncision de la chair, ce n'est plus à ça que Dieu observe. Aujourd'hui, Dieu regarde l'observation de ses commandements. Alléluia. Oui, bien-aimé. Dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Le verset 6, il est écrit ceci. Écoutez. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais la foi qui est agissante par la charité. C'est la foi qui agit dans l'amour. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Aujourd'hui, la foi qui agit avec amour, c'est-à-dire la foi qui a de l'obéissance à la parole, c'est ce que Dieu a besoin. Oui, mes frères et sœurs, la foi dans la charité, la foi qui agit selon la parole, la foi qui agit selon les promesses que nous avons aujourd'hui, c'est ce qui est important. Oui, mes frères et sœurs. Dans Galates chapitre 6, le verset 15, il dit ceci, car ce n'est rien que d'être circoncis ou d'être incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est être régénéré. Être renouvelé. Oh, sans le baptême du Saint-Esprit dans l'homme, sans la nouvelle naissance, sans le baptême du Saint-Esprit, l'homme n'est pas régénéré. Est-ce que vous comprenez? Oui, bien aimé. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous soyons des nouvelles créatures en Christ. Nous puissions agir selon Christ. Nous puissions marcher selon la parole. Oui, bien aimé. C'est ce qui est important aujourd'hui. Oui. La circoncision de la chair ne fait rien aujourd'hui. Même l'incirconcision ne fait rien. Ce qui est important, c'est des cœurs régénérés, des cœurs nés de nouveau, qui sont nés de Dieu et qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui sont marqués par le sang de Dieu. C'est ce qui est important. Si vous remarquez que Dieu a seulement besoin aujourd'hui de la circoncision du cœur. La circoncision du cœur, c'est de ça que Dieu a besoin. Quand quelqu'un n'est pas circoncis de cœur, en tout cas il n'est pas régénéré. C'est pourquoi vous entendez des bruits partout, des problèmes parmi les frères. C'est ça la cause. La cause est que il n'y a pas de régénérescence. Les cœurs des gens ne sont pas régénérés. Maro ya bantu enye mfanyua upya. En d'autres termes, les gens ne sont pas nés de nouveau. C'est comme ça que nous avons des problèmes dans les églises. C'est le manque de nouvelle naissance. Vous savez, c'est quand nous croyons en Jésus-Christ, à ce qu'il a fait à Golgotha, c'est là que nous naissons de nouveau. Et ce bonhomme dit qu'aujourd'hui, la nouvelle naissance est très rare dans nos assemblées. Pourquoi la nouvelle naissance est rare dans nos assemblées? Mais c'est parce qu'il y a trop de négligence. Il y a trop de laisser-aller. Et comme il y a de laisser-aller, vous savez, le laisser-aller se trouve dans quel niveau? Les gens ne croient pas. Les gens ne croient pas du cœur. Mais les gens croient par les lèvres. C'est pourquoi il n'y a pas de nouvelle naissance. Et s'il n'y a pas de nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit sera nombreux dans les assemblées. Manque de nouvelle naissance, manque du Saint-Esprit. Et si vous remarquez, tant que quelqu'un n'est pas né de nouveau, mais le Saint-Esprit viendra se positionner où? Le Saint-Esprit vient dans un cœur né de nouveau. Un cœur régénéré. Là où il y a une nouvelle création. C'est-à-dire, l'ancienne personne est morte. Alléluia. L'ancienne personne est morte. Il y a une personne qui est née dans le cœur. Christ est né dans le cœur. Alléluia. La nouvelle naissance qui est rare dans les assemblées. C'est pourquoi il y a des problèmes sérieux dans les assemblées. Oui, bien aimé. Faut qu'on en parle. Je ne sais pas si je vais retrouver la situation là. Faut qu'on en parle. Que la nouvelle naissance est rare dans nos assemblées. Vous pouvez lire dans les douleurs de l'enfantement, le paragraphe 77. Version la voix de Dieu. La voix de Dieu. La nouvelle naissance est tellement rare dans nos assemblées. Et il dit encore, dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Au paragraphe 50, il y a tellement de légèreté. Il y a des laissés-aller. Hein? Trop de laissés-aller. C'est pourquoi il n'y a pas de scellement du Saint-Esprit parmi nous. Église, vous comprenez? Trop de laisser aller. Les gens se font eux-mêmes des demi-chrétiens, des demi-croyants. C'est la volonté des hommes, non pas la volonté de Dieu. Dieu a besoin que tous parviennent à la connaissance du bien. Tous parviennent à la repentance. Et quand nous parvenons à la repentance, nous sommes nés de nouveau. Et la nouvelle naissance sera agréée par le baptême du Saint-Esprit dans le cœur pour nous rendre prêts et aller dans l'enlèvement. Oui, frère. Oui, mes frères et sœurs. Oui. Car ce n'est rien que l'être circoncis ou être incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est ça le problème. Être une nouvelle créature. Pas un chrétien de nom. Pas un chrétien intellectuel. Pas une foi intellectuelle. Mais une foi véritable. Dieu a besoin de cœur. De cœur disposé, de cœur né de nouveau. Et lorsque vous naissez de nouveau, obligatoire de Dieu vous donner le Saint-Esprit. Oui, frère. Oui. La régénérescence. Manque de nouvelle naissance. Manque de foi. Quand vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'avez pas la foi en vous. Vous pouvez avoir l'espérance d'espérer à quelque chose, mais la foi, cette foi qui était dans Abraham, en tout cas c'était autre chose, hein? cette foi-là qui a fait que Dieu puisse descendre du ciel pour venir traiter l'alliance avec Abraham. En tout cas, ça, ce n'était pas des amusements. Hein? Ce n'était pas une foi légère, mais c'était une foi solide, une foi fondée, une foi fondée sur la parole, une foi fondée sur les promesses. Alléluia! Oui, bien-aimé, c'est de cela que nous avons besoin. Nous n'avons pas dit une foi mouvante. Hein, une foi mouvante. Hein, nous n'avons pas besoin de ça. Dieu a besoin d'une foi authentique. Une foi fondée. Une foi fondée sur la parole. Une foi fondée sur Christ. Si vous fondez votre foi sur Christ, Christ ne vous laissera à aucune minute. Alléluia. Et il ne vous fera jamais honte. Si vous fondez votre foi sur Christ, Christ vous tiendra par sa main puissante. Et il vous conduira jusqu'au bon port. Oui, frères et sœurs. Dieu n'a pas besoin de la circoncision de la chair aujourd'hui. Il a besoin de cœurs régénérés. Des cœurs qui sont nés de nouveau. Qui attendent le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, mes frères et sœurs. Dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Le verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif. Ni circoncis. Ni incirconcis. Ni barbare. Ni scythe. Ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout. Et en tout ça. Alléluia. Oui, mes frères et sœurs. Écoutez un peu ce que le prophète dit ici. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 42. Il dit ceci. Écoutez. Je remonte un peu seulement. Paragraphe 41, la dernière partie du paragraphe. Abraham. Ibrahim. Ce n'est pas une foi qu'il était circoncis qu'il a reçu la promesse. Pour montrer que la circoncision n'était qu'un type, il a reçu la promesse avant d'être circoncis. Et c'était un type pour reconnaître sa foi. Vous comprenez, hein? La circoncision que Dieu a donné à Abraham, c'était juste pour reconnaître sa foi. Dieu a reconnu la foi d'Abraham. Alléluia. Qu'il y avait avant d'être circoncis. Paragraphe 42. Or, quand nous sommes en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham. Et nous sommes héritiers avec Christ. Donc, peu importe qui nous sommes, juifs ou des nations, et la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham. Uzawa ya Ibrahim. Possède la foi d'Abraham. Inekalaka na imani ya Ibrahim. Cette foi d'Abraham. Ile imani ya Ibrahim. Qui prend Dieu au mot. Ile kuna mbeba Mungu masauti yake. Peu importe combien ça peut sembler ridicule. Ijapokuwa mara ngapi vinaweza kuonekana sawa vya vile. De quelle façon étrange vous pouvez agir. Munamna ya kigeni ile munaweza kutenda. Combien ça peut faire de vous quelqu'un de bizarre. Ile naweza kukufanya kuwa sawa vile mtu wa ovyo. Vous prenez Dieu au mot. Uko nashika Mungu. Quoi qu'il en soit, la foi d'Abraham s'est tenue à la promesse. La foi d'Abraham, ne regardez pas aux injures, la foi d'Abraham, ne regardez pas au découragement des autres. Parce que du fait qu'Abraham était vieux, il était ingéré de toute manière par les gens qui l'entouraient. Quand il parlait de la promesse de Dieu, c'est comme nous aujourd'hui. Quand vous parlez aux gens que nous attendons l'enlèvement, ils vous disent, quand vous mourrez, c'est fini. Vous savez, hein, si vous êtes en train de vivre, hein, et que vous avez à manger, hein, et que vous avez tout, hein, faites votre vie, hein, parce que quand vous mourrez, il n'y a plus rien, c'est la fin du monde. Quand vous mourrez, c'est la fin du monde. Et tout ça est au milieu des païens. Mais nous qui avons la promesse, nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous qui avons la promesse, qui savons que Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir, nous devons nous fortifier. Alléluia. Et prendre Dieu au mot. Nous devons prendre Dieu au mot. Prenons Dieu au mot. Prenons Dieu au mot. Pendant que nous le prenons au mot, obéissons à sa parole. Oui, mes frères et sœurs, vous voulez être agréable à Dieu, obéissez à la parole de Dieu, le commandement de Dieu, qui n'est rien d'autre que sa parole. Obéissons à sa parole. Alléluia. Si nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu descendra et il viendra nous sceller. Il viendra nous sceller du Saint-Esprit. Et si nous n'obéissons pas, Dieu ne viendra pas nous sceller. Oui, frère. Frère, voilà, vous dites ici, ici, il n'y a pas beaucoup de scellements parmi nous. C'est à cause de ça. Il y a trop de laisser aller en nous. Oh. Vous voulez que Dieu vienne agréer la foi qui est en vous. Obéissez à la parole. Obéissez à la parole. Vous voulez que Dieu puisse vous donner le signe du Saint-Esprit dans le cœur. Si vous savez que vous avez cru en Jésus-Christ, obéissez à la parole de Jésus-Christ. Et il viendra vous donner le signe du Saint-Esprit. Oui, frère. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de scellement parce qu'il y a trop de laisser aller. Quand l'inspecteur fait son examen, quand le Saint-Esprit descend au milieu de nous, parce que c'est lui l'inspecteur qui doit mettre le sceau, le sceau d'approbation, que la marchandise ici, c'est bon, c'est vraiment c'est la marque déposée. Ah, on place le sceau, l'inspecteur vient me sceller, alors jusqu'au bout du chemin. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand l'inspecteur, le Saint-Esprit descend parmi nous, il ne sait pas pourquoi, parce qu'il y a trop de laisser aller. Écoutez ce que le Bonhomme dit ici. Quand l'inspecteur fait son examen, qu'il inspecte votre vie pour voir s'il y a un peu de laisser aller chez vous, un peu de laisser aller dans votre vie de prière, un peu de laisser aller quant à ce tempérament de colère, ce tempérament colérique, un peu de laisser aller quant à cette langue pour parler des autres, il ne scellera jamais le wagon. Vous savez, hein, quand le Saint-Esprit descend parmi nous, il veut te sceller. Il regarde dans ton cœur, et là, il est encore hypocrite. Il y a encore un peu d'hypocrisie. C'est pas ce que tu crois. Mais il ne veut pas te sceller. Il ne veut pas te contenir. Il ne veut pas te donner le Saint-Esprit. Parce qu'il voit encore un peu le laisser aller dans votre vie. Surtout dans la vie de prière. Aujourd'hui, les gens se taillent en morceaux. Leo mantu kana jikata mvipande de prière de bénédiction maombi ya mabaraka béni moi Seigneur bariki bwana donne moi ceci Seigneur bariki bwana eh des gens sont en train de jeûner mantu kana funga na chakula mais les gens négligent de jeûner pour recevoir le Saint-Esprit lakini mantu kana sula kufunga chakula juu ya kupata Roho Mtakatifu. Ah oui, ça c'est la maladie hein, ile ni magonjwa, c'est vraiment la maladie de l'église, ile magonjwa ya kanisa, pas de cette église seulement, hapana paka ya kanisa, mais de l'église universelle, ya kanisa ya ulimwengu mzima. Les gens ne prient pas pour demander le Saint-Esprit. Quand il s'agit de demander le Saint-Esprit, il prie, donne-moi le Saint-Esprit Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit Seigneur. Parfois on demande le Saint-Esprit après qu'on a demandé tout ce qu'on avait à demander. Le Saint-Esprit n'est pas tellement demandé aux gens. Quand l'inspecteur, le Saint-Esprit vient, il veut vous sceller. Non. Il y a encore de laisser aller dans la prière. Ah, il n'est pas encore digne d'être scellé. Il y a encore la négligence là-bas. Ah, que Dieu soit loué, qu'on vous a prêché la négligence la semaine passée. La négligence, pendant qu'il vous prêchait ici la négligence, moi aussi j'étais en train de prêcher la négligence à Luambo. Frère, il y a tellement la négligence parmi nous. C'est pourquoi Dieu ne nous sale pas du Saint-Esprit. Oui, frère, il y a un peu de laisser aller dans la vie de prière. Quand l'inspecteur descend, il vient, il regarde. Ah non, il y a encore le laisser aller dans la prière. Il ne prie pas conformément. Il place d'abord ses propres intérêts, les intérêts charnels. C'est ce qu'il place en premier lieu. Ah, il n'est pas digne d'être scellé aujourd'hui. Le Saint-Esprit descend, il regarde. Ah, il y a encore la légèreté dans sa langue. Il parle n'importe quoi. Oh frère, comment vous qui croyez en Jésus-Christ, mais vous avez la légèreté de dire n'importe quoi. C'est suite à ça que le Saint-Esprit ne te scelle pas. C'est comme ça que tu ne reçois pas le Saint-Esprit. Parce que tu as des légèretés trop dans ta bouche. Tu parles un peu trop. Et des choses inutiles. Des choses qui ne sont même pas importantes vis-à-vis de la parole de Dieu. Oh, comme des frères et des sœurs qui sont sans pudeur, parlent des bêtises n'importe comment. Comment Dieu peut te sceller du Saint-Esprit? Toi, tu parles de n'importe comment. Mais dans la bouche d'un chrétien, quand même des paroles saintes doivent y sortir. Mais dans la bouche des chrétiens d'aujourd'hui, il y a des choses bizarres qui sortent. Alors comment Dieu peut sceller quelqu'un du Saint-Esprit, un homme ou une femme qui n'a pas de retenue dans sa bouche? Quand le Saint-Esprit descend, il trouve non, il y a trop de laisser aller. Il parle encore un peu trop de frères et sœurs. C'est un critiqueur jusqu'à présent. Il n'y a pas moyen que le Saint-Esprit vienne habiter dans ton cœur. Oui, frère. Le Saint-Esprit viendra habiter dans un cœur pur, dans un cœur régénéré, un cœur né de nouveau, un cœur qui vit la parole. Alléluia. Oui, frère, un peu de laisser aller. Quant à la colère, un frère est encore colérique jusqu'aujourd'hui. Mais comment Dieu va te donner le Saint-Esprit? Qui est colérique? Que ce soit, tu es seulement bien quand tu es dans l'église. Quand tu sors, que ce soit avec les amis, que ce soit avec les enfants à la maison, toujours colérique. Il est toujours colérique. Un peu de laisser aller dans la colère. Dieu ne peut pas te donner le Saint-Esprit. Oh! Le Saint-Esprit vient habiter là où il y a la sainteté. Oui, frère. Le Saint Esprit, fais venir. Fais venir, fais venir habiter en toi. Il dit, ah non, non, non, non, non, non. Il a... C'est une femme. Ah, non. Elle s'habille encore des choses serrées comme ça. Dans son cœur. Elle a même l'intention de mettre les mains sur sa tête. Ah non, non, non, je ne le serai pas du Saint-Esprit. Ah non, non, non, non. Elle le dit, regarde. Il y a encore le commérage. Ça veut toujours, toujours besoin de parler en mal de quelqu'un. Toujours, vous fondez toujours des faux témoignages. Il y a toujours des faux témoignages. Elle laissait aller. Au lieu de parler en bon terme des frères, de rapporter peut-être de la parole que nous avons écoutée. Toujours l'envie de parler en mal des autres. Dieu ne peut pas te sceller du Saint-Esprit. Oui, frère. Le laissez aller. Un pied dedans, dans la parole, un pied dehors. Alors, les deux gens vous sont écartés comme ça. Un pied dans la parole, un pied dehors. Comment Dieu peut te sceller du Saint-Esprit? Oh frère, quand il s'agit que tu es au milieu des frères, tu te comportes comme un frère. Quand tu es avec des païens, tes amis païens, un païen complet, comment Dieu peut te sceller du Saint-Esprit? Oui frère, Dieu, quand il descend au milieu de nous, au moyen du Saint-Esprit, il sait ceux qui sont disposés dans le cœur des gens où il n'y a pas de fraude. Oui frère, quand l'inspecteur le Saint-Esprit descend au milieu de nous, je ne sais pas aujourd'hui, pendant que le Saint-Esprit est avec nous, il trouve quoi dans ton cœur qui l'empêche de te sceller comme tu connais? Mais je vous assure ce soir, que Dieu ne peut pas vous sceller du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu ne viendra pas habiter dans votre cœur s'il y a encore de la mondanité dans votre cœur. Alléluia. Oui frère, Dieu a besoin de nous donner le Saint-Esprit. Dieu a besoin de nous donner ce signe. Ce signe-là dans le cœur. Ce signe du Saint-Esprit dans le cœur ne veut rien dire autre que Dieu lui-même en nous. Oui frère, Dieu ne viendra pas habiter en nous lorsqu'il y a encore un laisser-aller. Pourquoi il n'y a pas de nombre de gens parce que le Saint-Esprit? C'est parce qu'il y a encore les laisser aller. Que chacun de nous ce soir s'examine. Pourquoi Dieu ne me donne pas le Saint-Esprit? Pour quelle raison? Et chacun de nous connaît la raison pour laquelle qu'il ne peut pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Que notre Dieu vous bénisse ce soir. Levons-nous pour la prière. Tukunaimba 128 nyimbo za Mungu. Nous allons chanter 128 nyimbo za Mungu. Mwenye kusiki ya kuja kwake Yesu, yeye ni moko ziwa wenye makosa, acha zambiza ko mwamini yeye, kila mwenye zambi, kila mwenye